Ils lancent leurs chimères, leur hydre, leur gorgone, à Polyphème, à leur méduse qui pétrifie. Ils seront tous vaincus par ma foi en toi, en moi. Tangible comme les arènes ou les racines du Chicamocha profond. Ferme comme la savane sereine au reflet de la lune au soleil blond. Ensemble la prière à l'histoire, enfin donne la loi. Les baisers viennent au port, enfin ils sont. Et les quais de Montréal là-bas, ensemble unis, nos pas les fouleront. Cupidon brandit des armes invincibles, de ses feux il éteindra vos brasiers jaloux. Car maintes fois il dompta les foudres terribles, et du ciel même il traîna Jupiter pris sous. Ensemble au tremblement nous avons survécu, aux querelles frivoles des villes marchandes, aux scribes pesant d'un air vain et du coup de mon amour ou de tes nobles sangs. La prière à l'histoire enfin donne la loi. Pas les fouleront. Cupidon brandit des armes invincibles, de ses feux il éteindra vos brasiers jaloux. Car maintes fois il dompta les foudres terribles, et du ciel même il traîna Jupiter pris sous. Cupidon brandit des armes invincibles, de ses feux il éteindra vos brasiers jaloux. Car maintes fois il dompta les foudres terribles, et du ciel même il traîna Jupiter pris sous.